Pour cette opportunité que tu nous accordes de nous rassembler dans ta maison pendant que tu nous en donnes encore l'occasion avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Nous voulons racheter le temps. Nous nous mettons à ton service. Nous sommes à ton écoute. Nous voulons t'adorer. T'adresser les prières sincèrement. Te prier nos cœurs de toutes les saletés du monde. De souillir les insanités visuelles, audio visuel, auriculaire, palpable, tout ce qui est faux. Évacuez-les de nos personnes. Tu nous as ordonné de poursuivre la paix et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous t'appelons sur la scène maintenant. Pour que cela soit effectif. Que notre sanctification soit réelle. Sanctifier notre langage. Tous nos actes. Nos gestes. Nos pensées. Nos sentiments. Nos réactions. Notre comportement dans son entier. Sanctifiant cela. Toi qui as dit, je suis saint, moi qui vous sanctifie. Si toi tu nous sanctifies, mais qui deviendra vraiment saint? Mais par la venue de Jésus-Christ. Et la vie qu'il a menée. Le sacrifice qu'il a consenti. Nous apprenons que c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. Tu étais devenu homme ici pour prendre notre place, porter sur toi nos péchés, notre incrédulité, nos culpabilités, et placer sur nous ta sainteté. Par ce sacrifice du calvaire, par une seule offrande, tu as même dit, tu as amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est par la volonté que tu as consentie d'aller jusqu'au bout, d'endurer ce sacrifice par cette volonté même. Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Sois béni pour cette œuvre de Golgotha, le sacrifice sanglant du calvaire. Qu'il agisse encore ce soir pour dépanner ce qui se sent en vous, qui n'arrive pas à en finir avec l'incrédulité et le péché, qui demeure encore tourmenté dans la servitude d'une manière ou d'une autre. Tu es la main qui secoue, Seigneur. Tu vois, allez, si le Fils vous affranchit, vous seriez réellement libre. Affranchis chacun de toute servitude, de tout esclavage, de tout péché volontaire, de toute iniquité, de toute paresse, de toute négligence, de tout laisser aller. Affranchis chacun de nous. Libère nos volontés intérieures pour qu'elles se soumettent au Dieu vivant. Qu'elles adorent le Dieu vivant. Que nous mettions à ton service. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans la Bible ici. Là où nous avons terminé la dernière prédication, Jean chapitre 5. Nous repartons de là. Jean 5, verset 25-27. En vérité, je vous l'ai dit. L'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Solo, solo, nazali, kolobanabino eti. Tango, ekoya, ezali sa saipi. Wana bakufi, bakoyoka mungongo, ya mwana nanzambe mpe, ba oyo, bayoki, bakozala na bomoi. Nzambi, lokola tata, azali na bomoi, kati na yemoko. Bongo asilinde kopesa epai na mwana ete azala na bomoi na ye moko. Apesi mpe ye bokonzi mpona kosambisa mpo ete ye azali mwana na moto. Apokalypse chapitre 4 verset 1. Emoniseli mukapo ya mine mulongo ya liboso. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme un son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nasima na makambo oyo na monaki ekuke esilinde kosipoma na likolo. Mpe mungongo oyo na yokaki liboso kosololaka na ngai lokola mungongo na kelelo elobi ete buta awa. Mpe na kotalisa yo makambo makobima makoki na yango kobima na sima na oyo. 1 Thessaloniciens chapitre 4 maintenant. Tosalimisa liboso mokapo ya minei. Nous prenons le verset 16. Et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Pour être un colo yemoko, akukita longo na likolo, na konganga makasi mpe na mungongo, na mkolo na banje mpe, na kobeta na mundule na nzambi. Pe bakufi kati na kiso bakose kwa liboso. Na simabiso bato na bomo iba oito tikali, tokobutwa kati na mapata mpo na kuzwama na nkolo kati na mopepe isika moko na bango. Mpe bongo tokoza na libela isika moko na nkolo. Que Dieu bénisse. À lecture de sa parole. Zambe a pas bolabo tangi lo banani. Bonsoir au nom de Jésus-Christ. Et nous souhaitons la bienvenue à sa table. Bienvenue dans la maison de Dieu. Alors, nous allons poursuivre la prédication de l'évangile du Seigneur. Ayant foi dans les promesses de Dieu, voyant chaque principe de sa vérité et aimant son plan merveilleux du salut. Il a un plan merveilleux du salut pour l'humanité. Toutes les choses visibles passeront, mais les choses invisibles sont éternelles. Alors, le dimanche, par la grâce de Dieu, nous avons commencé à parler de ce petit sujet autour de, du temps des rassemblements. Bientôt, le temps des rassemblements pour les élus rachetés de Dieu. C'est pour très bientôt, vous savez, le temps du rassemblement pour les élus rachetés de Dieu. Et Dieu va rassembler le fruit de son travail. Il prendra les élus rachetés et il les amassera. Amasser, former un amas. Nous avons commenté la promesse de Matthieu 3, le verset 12. Nous avons commenté dimanche. Il a son van à la main. Il nettoyera son air. Et puis il dit, il amassera le blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Quelle promesse redoutable. Pour le croyant, c'est une merveilleuse promesse. Mais pour la paille, les incroyants, les croyants des noms, les religieux d'apparence, c'est une terrible menace. Que leur destruction sera sans remettre. Et par la grâce de Dieu, tu es compté du bon côté. En croyant à la parole de promesse, tu te mets déjà en bonne position. Et en profitant et en faisant tout ce que Dieu attend de nous, nous nous qualifierons davantage. Dans Ephésiens au chapitre 1, verset 9 et 10, vous connaissez ce que la Bible a prévu là dans son plan. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Quand le temps s'accomplit, on parle dans la prophétie de la plénitude du temps. C'est comme pour une prophétie. Quand son temps pointe à l'horizon, c'est la plénitude du temps pour cette prophétie. C'est le temps de l'accomplissement ou le terme, l'épuisement du temps prévu pour que la chose annoncée se réalise obligatoirement. Jésus, quand il était à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Yes, oui. Et quand il commençait la prédication de l'évangile, vous le savez dans Marc chapitre 1 verset 14 et 15, il a dit, le temps est accompli. Répentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Le temps est accompli. C'est-à-dire, les choses qu'il commence à annoncer et faire, arrive au temps prévu dans le programme de Dieu. Et quand vous allez dans Apocalypse chapitre 1, le verset 3, on dit heureux celui qui lit et ce qui entend les paroles de la prophétie de ce livre. Et qui garde les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Quand le temps est proche, c'est que le temps n'est pas encore vraiment là. Mais le temps de l'accomplissement de ces choses-là que vous regardez, les choses que vous lisez, que vous entendez, le temps de leur réalisation est proche. Et quand ce temps-là arrive, c'est alors la plénitude du temps. Ou l'accomplissement du temps. L'achèvement du temps. Ok. L'épuisement du délai. Bon, nous étions en train de commenter ici, Ephésiens chapitre 1, verset 10, pour mettre ces choses-là que Dieu a conçues dans son dessein, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Et en enseignant les sept âges de l'Église, Abraham a commenté cet extrait ici comme étant la plénitude du temps. Et puis il dit, la plénitude du temps, c'est le temps de la résurrection de mort en Christ. Le temps tant attendu par les rachetés, par les élus du Seigneur dont nous avons parlé dimanche là. Ils attendent quelque chose de très important. Un rendez-vous auquel aucun de nous ne peut gentiment ni volontairement se soustraire. La résurrection d'entre les morts et l'enlèvement au ciel. Un rendez-vous capital qui vaut plus que tous les diplômes de la terre, qui vaut plus que tous les certificats et les maisons et les biens de ce monde, l'argent et le consort. Ça vaut de loin mieux que ça. Et c'est pour ça même que nous croyons son message et nous nous y tenons. Car l'obéissance totale au message donne le droit d'avoir le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit se le fait vert pour y accéder à la résurrection entre les morts et à l'enlèvement au ciel. Pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes les choses en Christ. Réunis, rassemblés, regroupés, amassés. Voilà. Lokola ebongisa ki yempona kokokisaka elaka ete ayangalisa biloko nyonso kati na Kristo. celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Yango na likolo pe yango na nse. Voyez, bomoni, les terrestres, biloko nse, les rachetés, les élus de Dieu vivants. Qui attendent l'avènement du Seigneur. Ce sont des humains terrestres. Mais les morts en Christ qui ont été enterrés. Parce que Dieu avait dit tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Eux-là qui sont morts, qui se retrouvent sous la terre, sont également considérés comme des terrestres. Mais qui ne sont plus dans le monde des vivants, qui ont traversé le rideau du temps et se retrouvent dans l'au-delà. Mais et les vivants et ces morts-là, ils sont tous du groupe des terrestres. Maintenant, Dieu n'avait pas créé que des choses terrestres. Donc, les hommes, des êtres terrestres, Dieu au commencement avait créé aussi des choses célestes et des êtres célestes. Maintenant, à la plénitude du temps, Dieu a prévu dans son destin de réunir toutes les choses en Christ. Celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, il va les rassembler. Or, les rachetés du Seigneur sont les prémices de ces créatures. Avant d'aller vers les objets inanimés, les autres créatures grandioses qu'on peut avoir, impressionnantes, planides et tout, Dieu se fige d'abord sur l'homme. Maintenant, vous remarquez qu'il y a des humains au jour d'aujourd'hui qui sont sur la terre. Ce sont des terrestres, les vivants comme vous, non? Et les autres sont dans les villes où nous habitons, les pays où nous habitons, les quartiers. Ce sont les terrestres. Mais nous comptons parmi nous de morts, ceux qui sont qui ont traversé les rideaux du temps. Et peut-être chaque famille serait dans un cas pareil. Les clans, les tribus de la terre ont aussi perdu les leurs qui ont été enterrés. Que ce soit ceux-là, que ce soit eux-mêmes, tous sont des terrestres. Mais savez-vous qu'il y a eu déjà d'autres terrestres qui ne sont plus sur la terre, qui ne sont plus sous la terre, mais qui sont déjà au ciel? Voyez bien que ils ont dit bah tout monsieur basala qui n'a pas bêlé oyo. Les lo oyo basala monsieur n'a pas bêlé te. Basala ça n'a rien à ma bêlé bah kunda maté. Nous au candé les lo oyo basala ils n'ont rien. Voyez bien quoi bongo. Oui. Iyo. Nous devons les savoir. C'est vrai que toi y'a bangou. Ce sont ces captifs. Ils allent dire bah kanga bio wana. Au sujet de quel? Nanti nana bangou. La parole avait dit ici dans Ephésiens 4. Il n'a pas dit qu'on a fait ça mon capo et minéi. Verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Bongo, il n'a pas dit, et s'il y a qu'au bout de la calme, il n'a pas dit, il a amené. Or, amener veut dire emporter dans le sens d'une opération retour. Ils allaient dire qu'on avait été comme mato au kumbakabatu, kozonganabango. Ici, dans notre langue française, ici, il y a le verbe amener. Ah ouais, dans le poteau, ils allaient comme mato. Mais il y a à distinguer cela avec le verbe emmener. Bon, on dit amener, mais c'est emmener. Ils allaient dire mais dans Ephésiens 4 que nous venons de lire au verset 8 là, c'est pas le verbe amener. Mais c'est le verbe amener. la signification est totalement différente. Ça se prononce comme des homonymes. Mais la signification, c'est pratiquement concrète. Regardez. Je viens avec mon recueil. J'apporte ça, apporté, à mon frère Gabriel. Mais j'ai fini ma mission. Il me redonne ça. Je rapporte cela. Donc, quand je viens avec ça ici, ce n'est plus apporté. Ce n'est plus apporté. Pour décrire la norme opérative, c'est que j'ai amené mon recueil auprès du frère et après avoir fini ce que j'ai pensé faire auprès de lui, je le ramène. Mais quand je ramène ce qu'il me remet et j'ai ça en main, je repars avec ça. Mais maintenant, lorsque je dois user de force pour récupérer mon recueil, là où il n'a pas, j'ai ramené. Mais j'ai amené ça. Je n'ai pas voulu tenir de votre ma force que le frère ait voulu me le remettre ou pas. Mais je trouve que je suis l'ayant droit, l'ayant pouvoir, je peux arracher mes récupérations. Et le Seigneur a amené les captifs. Ça ne veut pas dire qu'il est venu demander leur volonté s'il voulait bien partir avec nous ou non. Mais c'était écrit dans son plan. Et le temps prévu pour cela est arrivé. Et quand Jésus est venu sur terre mourir, eux étaient retenus captifs dans l'au-delà. Captifs de la mort et du séjour de mort. Mais le Seigneur est le propriétaire de l'univers. Il entre dans l'au-delà comme étant le libérateur. Duquel il est écrit que quand le Fils nous a franchi, vous serez réellement libre. Alors, il ne pouvait pas demander la permission de Satan, ni la permission d'Abraham, ni l'opinion de David, pour dire que vous voudriez bien de partir avec moi. Et veux-tu que je te ramène? Non. Le plan de Dieu est de l'exécution obligatoire. Quand le temps arrive, ce que Dieu a écrit doit se faire. Et à ce sujet-là, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de pourparler de la puissance libératrice qui porte en action. Et quand il est allé vers les quartiers, c'est fort de cette position-là. Les captifs de la mort qui étaient dans l'au-delà, il les a arrachés de là. Par un cri de commandement, ils sont sortis de ce sépulcre. Qui peut dire amen à la bénédiction? Le Seigneur a donné l'ordre. Tout cela devait sortir. Donc, oh non, moi je ne suis pas encore prêt. Tous les quartiers, il les a amenés avec lui vers l'endroit que lui-même avait prévu où il finirait. Leur course, leur suite dans la préditerrestre. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. De son les captifs du genre dont le Seigneur parlait également dans une autre prophétie liée à son ministère terrestre. Les alitas bakangani oyonkolo alobaki nantinda lisusu ya lisakoli moko kati na mosala oyo ya kosala kawa na mabele. Dans Luc chapitre 4 verset 16 à 18. Na Luka mokapo ya nini le mulongo ya nzambe na motomaki na zone mama. Oh non, je commence à 19. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Attention. « Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. » Pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce des Seigneurs. Akomaki na ngasalete mboka babokola kiye. Mpe na mukolo na sabata akotaki na yango le lokola ezalaki motimbo na ye. Mpe atelemaki kotanga ka mokanda. Mokanda na mosakoli Isaya epesameli na maboko na ye. Mpe azipoli mokanda mpe azwaki esika ekomami boye ete. Molimo na mkolo azali likolo na ngai. Mpe ete, apakoli ngai na mafuta ete, nasakola na mabota sango malamu. Atindi ngai, kosakola kali siko pona bakangani. Mpe, komona misusu na bango bakufi miso. Mpe, kosikola banyokolami. Mpe, kosakola kambula na ngolu na mkolo. Annonce au captif la délivrance. Kosakola kala bakangani kokangolama. Délivrer, c'est aller arracher auprès de mon oppresseur, auprès de mon bourreau. Au Cambodge, il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Donc, un type qui était livré aux mains d'un autre, qui les tourmentait, qui les torturait. Mutu ayo akambamaki na maboko ya mutu mususu wabadamo nyonga nyonga ye kotumisa. Un autre peut venir un peu plus fort que celui-là pour maîtriser les bourreaux et arracher les chemins, les torturer la victime. Wete mutu mususu akiko ya oya leki makasi. Mutu oya kangi mutu zako nyonga nyonga ye wana. Ete apote lena makasi. Alongola ya na bombo. Et c'est ce que le Seigneur a fait envers les captifs. Ndao ya mkolo asalera kiba wei bakangamaki. Il est allé les délivrer. Akenda kita ko kangola kaba. De la main d'un plus fort que. Na maboko na wei kiba wana makasi. Et c'est le diable qui dominait en ce temps-là sur le séjour de mort. Wezala kita ya zambulu. Akenda kita ko konza na tango wana na mikolo. Jésus est intervenu et il a délivré cela. Mwesu akotena li kambope akangoli bambo. Et une fois délivré. Comme nous avons dit le dimanche, ici dans Matthieu au chapitre 27, quand Jésus a poussé un puissant cri là-bas, à Golgotha, des phénomènes cosmiques se sont produits. Nous trouvons qu'il est écrit ceci, Matthieu chapitre 27. On nous lit à partir du verset 45 jusqu'au verset 53. Depuis la 6e heure, 12 heures, jusqu'à la 9e heure, 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Kino na ngonga ya libuwa, ngonga ya libuwa ya mikroba, ngonga ya misatu na sima na zanga to, ngonga zanga ya mitano. Et vers la 9e heure, Jésus se cria d'une voix forte. Mpe na ngonga ya libuwa, Yesu, nganga kina mungongo makati yeti. Dans la dernière partie de la prédication dimanche, nous avions lu une citation de Prophète dans la prédication de l'enlèvement. Et c'est tout à l'heure que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit notamment au paragraphe 164 et 171, il faisait allusion à ce genre de phénomène. Au sujet des saints de l'Ancien Testament, il remontait, il sortit de leur sépulcre à sa voix forte. Et le peuple même appelait ça le cri et la voix. Les mêmes qui nous sont promis dans 1 Corinthiens 4, verset 16. Au moment de l'enlèvement de l'église, il y aura le cri et la voix. Alors, ici, on va dire que l'an 6 de Matthieu 27. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria. C'est un cri d'une voix forte. C'était à la fois un cri. Et une voix qui portait un message, un mot d'ordre. Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pendant que la voix a exprimé ce mot-là, Jésus était en bout. Étant à bout et se confiant à Dieu, quand il était à bout, il s'est confié à Dieu. Or, les moqueurs qui étaient autour de lui, ils ont dit ceci au verset 43. Quand ils l'ont vu à la croix là-bas, dans cette agonie, cette souffrance, il s'est confié en Dieu, que Dieu les délivre maintenant sur l'âme. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Voilà les moqueurs, les détracteurs. Voyant le Fils de Dieu Jésus-Christ à bout, sentant qu'il souffrait à l'extrême, ils ont dit, mais tout ça, c'est pas si c'est confié en Dieu. Tout le temps, mais c'est le charme qui le dit. Oh Dieu, c'est mon âge, c'est Dieu. Maintenant, regardez. Dans la chasse ici. Il est moli, c'est le mot. Il est nu en public. Retiens la carte de ma belle colonne et tout le sourire. Pas vous soigner. Pardonnez. Mais voilà. Et puis, il disait, il parlait Dieu au charme de Dieu. Et puis, oh, les miracles. Oh, les miracles, mais les nouveaux, les miracles. Ouais, c'est mon cœur. Oh, il se confie en Dieu. Mais c'est Dieu les délivre. Si Dieu les délivre, c'est Dieu les délivre. Est-ce que Dieu qui aime quelqu'un peut le laisser dans une souffrance jusqu'à ce niveau ici? Dans cet état ici qu'on parle. La salive coule, même les bois ne sont pas capables de suyer la bouche. Et puis ils sont regardés, ils disent, et regardez, oui, il se confie à Dieu. Mais que Dieu vient les délivrer maintenant. Est-ce que Jésus était-il obligé de subir tout ça? Est-ce qu'il méritait un tel traitement cruel? Mais c'est pour nous, non? C'est pour ton âme. Pour que tu sois saint. Que tu pratiques les œuvres de sainteté. C'est pour ça qu'il a souffert à ce point-là. Pour que toi là, frère, sœur, toi là, un être humain sur la terre, tu abandonnes le péché, le vol, le mensonge, l'hypocrisie, les sueurs, les impuretés, l'escroquerie, la vie des dettes. Que tu mettes fin à tout ça. Et que tu pratiques les œuvres de sainteté. Il a accepté d'en arriver jusque-là. Et l'inconscient, l'homme inconscient, il ne savait pas que c'était pour sa sainteté, il pointe du doigt, il s'en moque de l'église. Et que tu oies, il y a des gens qui ont été malades, il y a des gens qui ont été malades, De ce qu'il en est, de ce qui continue à pécher volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Il ramène Jésus sur la croix une deuxième fois. Dieu t'a fait connaître la vérité, mais tu ne veux pas la pratiquer. Car tes sentiments personnels t'emportent tout le temps. Tes affaires personnelles t'embrouillent. Et ça marche dans la mauvaise direction. Ceux-là qui pêchent comme ça, qui désirent de la voix de Dieu, il ramène Jésus sur la croix une deuxième fois. Il crache encore sur lui. Il les déshabille encore en public. Et le fond de la mort de l'évangile. Pour faire plaisir à leur corps de aux démons qui tourmentent leur pensées. Voilà. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Bamususu baoyo, bazaki kotele mawana, balobiete, oyo, azalinde, kobianga kande Elia. Il appelle Élie. Azal kobianga Elia. Le jeu de mots. Wana azalinde maloba. Élie, en hébreu, c'est comme ceci. Elia na baete, azaliboy. Eliaou. Eliaou. Donc quand quelqu'un crie Eliaou, donc eux ils entendent, oui, mais il appelle Élie, il appelle vraiment Élie. Et ceci ça veut dire, c'est lui pour qui l'Éternel est Dieu. C'est lui qui n'a pour Dieu que l'Éternel. Maintenant, Jésus à Golgotha crie Eliaou, non pas pour appeler Élie, mais pour dire mon Dieu, et accomplir une prophétie biblique. Dans la signification, ici, mon Dieu c'est l'Éternel. Mon Dieu est l'Éternel. Eliaou. Voyez. Mais ici, mon Dieu, mon Dieu. Donc, il n'appelait pas Élie. Mais il invoquait son Dieu. Voilà la différence. C'est ainsi que les mots, ils étaient entendus, tels que sa bouche les ont exprimés, mais le sens, cela ne les saisissait pas. Le vrai sens des mots qu'il prononçait, c'était la prophétie du psaume 22 en accomplissement littéral. Donc nous pouvons lire les mêmes mots dans la Bible, dans la parole de Dieu, mais on n'a pas forcément la même compréhension. Tous ne comprennent pas cette parole, mais seuls ceux à qui cela a été révélé. Seuls ceux à qui cela a été donné. Donc si Dieu ne vous donne pas de comprendre, vous allez lire les mots et vous passez à côté. Voilà un exemple patent. Du point de vue strictement littéraire, on dirait que ceux-là qui disaient qu'il appelle Élie, ils avaient raison. Non, du point de vue intellectuel, en prenant l'orthographe des mots, des choses comme ça, ils ont raison de conclure qu'il appelle Élie. Or là, c'était le sens qu'il donnait à la phrase prononcée par Jésus. Et ils ont donné ce mauvais sens-là, parce que la parole prophétique qui était en train de s'accomplir à cet instant-là, leur était cachée. Que les paroles de psaumes qu'il lisait dans leur synagogue étaient en train de s'accomplir. Donc eux, quand ils lisaient le psaume 22, c'est comme des récitations. Maintenant, on donne la lecture aux jeunes garçons de 12 ans, c'est de 13 ans. Et de 15 ans, va nous lire le psaume 22. Alors, il arrive au verset où il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans leur coutume, ce n'était pas une prophétie dont il fallait attendre l'accomplissement, mais c'était une parole écrite pour nous exhorter. Leur religion leur a enseigné pendant des années que c'était une parole d'exhortation. Pour dire, même quand vous avez des situations où Dieu vous a abandonné, mais continuez toujours à l'appeler, il va venir. Pourquoi avait-il laissé l'entendement? Parce que c'était une dénomination. Et que fait une dénomination? Elle fait de la parole de Dieu une tradition. Et il amène les gens à s'habituer seulement comme ça. Pour ne rien produire, pour ne rien saisir côté surnaturel, pour se contenter de formes et de religions. Dieu a dit, sortez des milliers d'années. Sortez de toutes les dénominations. Il faut que Dieu se révèle à vous. Vous devez traiter personnellement avec lui. Ne vous appuyez pas sur les appartenances ecclésiastiques. Les appartenances charnelles. Vous devez expérimenter Dieu. Cherchez à expérimenter Dieu. Et qu'il traite personnellement avec Dieu. Toutes les formes, les habitudes et les systèmes ne vous conduisent que vers la froideur. L'enfer, la perdition. Il faut la révélation de Dieu. Conforme à sa parole. Pour produire un changement significatif dans votre manière d'agir, dans votre comportement et votre caractère. Si Dieu ne se révèle pas vous, vous allez vous époumoner, vous battre matin, midi, soir et passer de nuit blanche. Le caractère ne changera jamais. Vos défauts seront toujours les mêmes et ça se collera à votre peau. Un seul véritable de mauvais caractère. Et c'est Jésus-Christ. Comme nous cessons de le répéter encore. Si le Fils vous a sorti par un prédicateur. Pas un pasteur excité, mais le Fils lui-même qui vous délivre. Alors vous aurez la liberté réelle. Tout ce qui vous vient de dire des hommes, l'autre m'a rassuré, il m'a dit qu'il est mouton en bambé, ce sont des paroles d'hommes. Vous serez déçu après cela. Miséricorde. Nous devons expérimenter Dieu individuellement. Et cela selon sa parole. Voyez, alors quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il a appelé Élie. Des croyances intellectuelles, membres d'église qui savaient qu'Élie était le nom d'un prophète, voilà. Comment pouvez-vous d'abord vous imaginer qu'un prophète comme Jésus puisse se mettre à appeler Élie sur la croix? Élie, un prophète qui n'était plus sur la terre. Pendant que quelques temps avant, leur compagnon qui est à côté, on dit, il s'est confié à Dieu, mais que Dieu vienne les délivrer. Donc, quand il l'aime. Donc, quand il est là, il est là, Maintenant, quand il se met à appeler ce Dieu-là, il dit qu'il appelle lui. Toujours déconnecté. Ils ont voulu voir le Dieu de Jésus venir les délivrer. Et Jésus-Christ en tant que fils se met à dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et entendre comme dans leur langue, c'est Eliyahu. Il appelle Élie. Frère, la foi intellectuelle aveugle, hein? Ça nous aveugle face à la révélation de la parole. C'est pour ça que le frère Branham a prêché un message intitulé « Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence ». Donc ceux qui se sont appuyés sur leur propre intelligence, pour se croire intelligent ou pas de comprendre la parole, on finit dans les fausses croyances et les fausses filles. Ce n'est pas le cerveau qui révèle la parole, mais c'est l'Esprit de Dieu qui révèle la parole. Vous pouvez la lire comme tout le monde, mais vous passez toujours à côté. Il faut vraiment la grâce de Dieu qui se révèle à chacun de nous. Sinon, vous vous mettrez à dire, il a dit, c'est ce qu'il a dit vraiment. Mais vous ne dites pas ce qu'il avait dit, parce que le sens que vous donnez à ce qu'il a dit n'est pas le sens que lui donnait à ce qu'il disait. À l'église, il nous faut la foi révélée. Mais plusieurs d'entre nous ici n'ont que la foi intellectuelle. Je dois vous le dire en face. Dans plusieurs assemblées, vous avez plus de la foi intellectuelle. Dans les fidèles et les croyants. C'est même que la tête, c'est que la tête connaît, c'est que la tête peut expliquer, c'est que la tête a retenu. Or la révélation de Dieu, Dieu la place dans le cœur. Elle coïncide avec l'inspiration authentique. C'est différent que quand cette chose fonctionne correctement, vous direz ce que le message enseigne. Parce que Dieu a révélé la parole de l'âge au prophète. Et quand le même esprit est en vous, il ne vous fera pas dire le contraire. Vous allez saisir la même inspiration. Oh miséricorde. Alors, verset 48, on va être au verset 53 comme annoncé. Et aussitôt l'un d'eux courit, prend une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons, si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et remit l'esprit. Quels sont les effets de ce cri-là? Jaillissant de la bouche du Seigneur crucifié. Comme étant le dernier cri avant qu'il rende l'esprit. Les effets viennent, versets 51 à 53. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Je vous ai dit, des phénomènes cosmiques se sont produits. Parce que celui qui rendait l'esprit là-bas était le créateur de l'univers, des cieux et de la terre. Lorsque l'immortel en arrive à céder à la mort, il devait y avoir une interruption de la nature. Parce que le Créateur de la nature venait de produire un phénomène impensable. Il venait d'accomplir une mission de l'infini. Car l'infini, c'est celui qui peut faire tout et qui ne peut pas se priver de faire quoi que ce soit. Et Dieu étant immortel, vous prenez ça, ça veut dire qu'il ne peut pas mourir. Il est incapable de mourir. Mais le même Dieu qui est immortel, il est aussi infini. Ça veut dire qu'il doit être capable de tout. Même de mourir. Même de tomber malade. Même de plonger la douleur. Parce qu'il est infini. Et à lui, rien n'est impossible. Lorsque ce phénomène s'est accompli, la nature entière était ébranlée. La terre a tremblé. Et là, il a eu un choc. Le problème me dit que ce jour-là au calvaire, la terre a connu des conditions. Elle a eu l'impression de vouloir s'effondrer pour ne plus exister en tant que telle. À travers tout ce qui s'est passé, elle était en train de délivrer les prémices. Devait entrer dans tout l'univers. Le résultat de ces œuvres sont obligatoirement mondiaux. Ça ne doit faillir nulle part. Les délivrés, il doit y en avoir. Les rachetés, il doit y en avoir. Les nés de nouveau, il doit y en avoir. Les baptisés du Saint-Esprit, il doit y en avoir. Rien n'est impossible. Car le Dieu immortel a pu mourir. Alors qu'est-ce qu'il lui manquerait de faire encore? Qu'est-ce qu'il serait capable de faire pour ton âme? Le délivrer de la convoitise? Est-ce que ce qui serait incapable de faire? Est-ce qu'il va peiner pendant des années? Cumuler des veillées de délivrance et des prières de solution. 21 jours de prière, 80 jours de jeûne. 40 jours à la montagne. Et c'est ça que l'homme compte pour espérer voir le changement. Et un Américain se délivre par la foi dans sa parole. Si la parole est parole, que le rende les effets. Amen. Amen. Amen. Pour les lépreux, les problèmes, c'était ça. Hé, que voulez-vous? Nous voulons être pieux. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Et il s'était purifié immédiatement. J'aime la parole qui a la vie en elle-même. C'est gymnastique religieuse de Dieu. On vous fera espérer ce qui est. Et après on fera espérer cela. Je n'ai pas honte de l'évolution. Il est et il demeure la puissance de Dieu. Le seul de quiconque croit. Si l'évangile que nous avons, c'est le même que Jésus prêchait, nous avons droit au même résultat. Nous avons droit au même résultat. L'évangile de Dieu est surnaturel. Il y a la vie des temps. Ce qui m'a montré, il y a le surnaturel. Voyez mon classe, je vais rendre le résultat. Amen. Amen. Nous avons droit d'aller auprès de Dieu et revendiquer ce droit. Amen. On ne lui demande pas 20 pompages par jour. Dans la barque dimanche, ils ont fait 82 pompages. Mais il n'y a aucune solution. Les pompages, les pompes tirées, Jésus n'était pas là. Quand il n'était pas là, le pompage a pris la place. Et frère André, et frère Philippe, donc, le bassin. Mais le Seigneur dit une chose. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi Jésus, pas les pasteurs, pas les prédicateurs, pas l'apôtre spécial, l'évangéliste international. Moi Jésus, je vous donnerai du repos. Il vous donne sans argent, sans rien payer. Il vous donne gratuitement. Ah, maintenant nous sommes déformés par les dénominations. Et nous pensons que nous devons toujours faire des efforts personnels pour être délivrés. Oh, le Seigneur a dit ça, mais vous avez votre part à faire dans tout ça. Ça, c'est le message dénominationnel qui minimise l'efficacité de la grâce de Dieu. C'est comme si la grâce de Dieu soit insuffisante, ce qui est inconcevable. La grâce de Dieu peut réaliser cela. Amen. Nous sommes dans la bonne voie. Nous sommes quand le Seigneur a ordonné à Pierre dimanche de marcher sur les eaux. Il a simplement pris Jésus au mot. Il a simplement pris le Seigneur au mot. La marche était effective. Le miracle était immédiat. Mais quand il a raisonné, quand il a recouru à la mentalité humaine, quand il a sollicité son intellect pour voir comment poser le troisième pied de manière spectaculaire et que même mes frères dans la barque applaudissent même. Alors, mais qu'il pose le pied comme ça, par la force. Est-ce que ces efforts l'ont sauvé? Devait-il pomper? Hein? Ça ne pouvait même pas marcher. Il allait mourir. Il a crié au secours. À celui qui est capable de délivrer. Quelle que soit la situation, quel que soit votre lieu, votre position, là vous êtes. Le Seigneur est capable de délivrer. Et sa main n'est pas courte pour sauver. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il est sauvé. Invoquez son nom. Invoquez ce nom, mais avec foi. Invoquez ce nom, vous serez sauvé. Je ne dis pas aller chanter Belela, Belela, Belela. Zambena bika moi. Belela, Belela, Belela. Amataka nampunda. Vous n'allez pas vous suivre comme ça pendant la nuit. Soit des sangs de une veille de louanges et d'adorations. Non, il ne faut pas amener à Dieu des saletés. Amenons-lui la parole. Prions d'après la parole. Que notre langage soit de la parole. Défendable dans la parole. Vous voyez ça? Alors, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Il rend l'esprit à la paternité. Il met fin à la charnalité, la vie de chair, il y met fin. Le corps de chair amené à la mort. Vous voyez, Christ aussi a souffert une fois pour toutes dans son corps de chair. Nous sommes le péché afin de nous amener à Dieu. Il nous amène à Dieu. Lui, il a souffert comme ça. 1 Pierre 3, verset 18. Il a souffert une fois dans son corps. Pour nos péchés. Afin de nous amener à Dieu. Mais il a été rendu. Il fut mort, dit la Bible. Quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Vous direz à la bête, pendant ça, tombez. Le même Dieu immortel qui a pu réaliser sa mortalité. Il a conservé son immortalité. Au même moment. Alléluia. Le même Dieu immortel. Il ne pouvait pas mourir. Mais il a réussi à mourir. Et à demeurer extrêmement vivant au même moment. Amen. Le mystère de la piété est grand. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3, lisons. Parenthèse. Comme Dieu merveilleux et sa parole merveilleuse, que ceci envahisse ta vie. Et déclenche les manifestations surnaturelles dans ta vie de foi. Amen. Pour croire que rien n'est impossible, et par sa grâce tout se fera. C'est moi l'éternel qui passe la vérité. Nous allons nous donner une nous et quoi ça l'aime. 1 Pierre 3, 18. Peut-être le Bosso. Christ aussi a souffert une fois pour le péché. Lui juste pour les injustes. Afin de nous amener à Dieu. Et ça doit marcher. Il doit parvenir à Dieu. Sinon il a souffert en vain. Mais je te dis qu'il n'a jamais souffert en vain. Il a souffert à dessein. Selon le plan de Dieu. Et l'objectif de Dieu. C'est d'amener à Dieu. Ça doit réussir absolument. Tu dois y parvenir obligatoirement. Nécessairement. Urgemment. Hein? Dieu, il vit dans sa parole. Amen. Si tout ce temps, tu n'es jamais arrivé à Dieu. Léo et Sengeli au coma ensemble. Pour Christ c'est à Koufa Kala. Résultat, ils ont vivre les lots et Zakou Salamou d'assez. C'est déjà disponible dans la Bible. Tu lis, tu entends, tu prends Dieu au mot les effets comme Amen. Les effets comme Dieu au mot. Aussitôt que Pierre a pris Jésus au mot. les effets étaient immédiats. Tant le Père la nera qui m'a baillé, ça ne va qu'il m'a moko. Vous savez mon amour. Toi aussi, tu prends pas au mot. Je ne pas la nerf de malabaille. Dieu au mot, c'est pour t'amener à Dieu. Vous n'allez pas reconnaître. Ah, on ne sort pas ici sans attendre à Dieu. Mais tu vas entendre comme ça, donc le peuple qui a arraché le portail là, reconnaît à Dieu. Mais arrivé à Dieu. C'est pas ma Dieu est en train de dire. Et en sortant dit, Woloba n'a coupé naïe. Amen. Amen. Amen. Amen. Il le faut ce soir. Il le faut maintenant. Ton âme doit y arriver. Et la grâce de Dieu est dans la parole prêchée. La parole a été faite chère. Plus maintenant, c'est la vérité. Elle est là pour toi.